Première partie de ce concert de John Zorn and Naked City, diffusé sur France Musique et donné le 28 septembre 1989 à Strasbourg, dans l'ancienne laiterie, dans le cadre de Musica 89. Ce concert se poursuit avec à présent Latin Quartet de John Zorn, le thème de James Bond, composé par John Barry, Reanimator, et ensuite un nouveau thème de télévision de Jerry Goldsmith pour une série d'espionnage, The Man from U.N.C.L.E.